Bernard de Ventadour, Bernat de Ventadour. Quand veille la lausette à mouver. Quand veille la lausette à mouver des joies, s'asale à sculpter l'ail, que s'oublie de s'lai s'accaser per la douceur qu'al cor li vaille. Ah, hélas, qu'als en veille jamais vede qui qu'au veille à jausiun. Mais la vie l'asai, car d'essai le corps de désirien un fond. Ah, hélas, tant que déjà va saber d'amour et un petit ensai, car eu d'amar non postener céleste d'un ja prun naurai. Tout ma mon corps et tout ma sé et mi mesès et tout le monde. Et quand si m'tolque, non l'ai serré, mas désirier et cor voulun. Anc non agi de mi puder, ni nous fimeus des lorensai, que m'lai set en sous oils veser, et nous mirail que m'out mi plai. Mirals, pos me mirei en te ma mort li suspir de preun, cae sim perdet cum perdet se, lo bel Narcissus en la fun. De las domnas pis desesper, jamais en lour non fiarai, cae si cum la sol captener, e in aisi las descaptenrai. Pos vell, que nul ia pronum tenableis que m'destruie cum fun, tutte las dubt e las mescre, car sai que a tretal se sun. Dai sous fai ben femna parer madonna, perché lu retrai, que vol so com nu de voler, e so com nu de veda fai. Cae zut su ien mala mercé, et ai ben fait cum fols en pun, e nu sai perché mes deve, mas caltro pugei contra mun. Mercés es perduda per ver, et ieu nu sabian mai, car s'il que plus en dégravé nun agès, e un la querrai. Ah, ca mal sembla qui l'avé, que aquest caïti ou desirou qui già se slei nun arabé, l'ai se mourir, que nun la un. Pos ami dons, nun pot valer prex ni mercé, ni il dreis que oai, ni a l'eis du ven a plazer que o l'am, jamais tu lui dirai. Ai sim part, d'amour em recré, mort ma, e per molt li respun, e va omen, possil numre tre, caetius, e neisil, nu sei un. Tristan, gest un arret de me, che men val caetius, nu sei un, de chantar, me gic, e me recre, e de gioi, e d'amor, mescun.